السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. Donc ceci est le troisième et dernier cours bi'idhnillah de l'explication concise du livre Sharh al-Sunnah de l'imam al-Muzani rahimahullah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous accorde la réussite. Donc l'auteur rahimahullah a dit: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. Il a dit رحمه الله: et l'obéissance à ceux qui détiennent l'autorité dans ce qui est agréé par Allah عز وجل, et s'écarter de ce qui est détesté par Allah. Et également, le fait de ne pas sortir contre eux, les gouverneurs, lors de leurs transgressions et de leur injustice, et de se repentir à Allah, Azza wa Jal, et ce, afin qu'ils aient de la compassion envers ceux qui sont sous leur commandement. Après avoir mentionné, dans les passages précédents, les fondements des gens de la Sunna concernant les piliers de la foi, comme la foi en Allah, au destin, au jour dernier, etc., dans ce passage, ainsi que les suivants, l'auteur, rahimahullah, a mentionné des autres fondements des gens de la sunna, par lesquels ils se différencient des gens de l'innovation et des contradicteurs. Dans ce passage, l'auteur, rahimahullah, a donc mentionné un des plus grands fondements par lesquels il est possible de reconnaître les gens de la sunna. Et ce fondement n'est autre que le fait d'obéir au gouverneur musulman dans le convenable, et l'interdiction de se rebeller et de sortir contre eux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ô les croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui m'obéit a certes obéi à Allah, et celui qui me désobéit a certes désobéi à Allah. Celui qui obéit au gouverneur m'a certes obéi, et celui qui désobéit au gouverneur m'a certes désobéi. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira radiallahu anhu. Il est donc obligatoire d'obéir au gouverneur des musulmans, et ce, tant qu'ils n'appellent pas à une désobéissance. Par contre, s'ils appellent à une désobéissance à Allah, alors il ne faudra pas leur obéir dans cela. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance au créateur. De même, il n'est pas permis de se rebeller contre les gouverneurs et de sortir contre eux, même s'ils transgressent et commettent de l'injustice. Et ce, car le fait de sortir contre eux engendre un mal beaucoup plus grand que la patience face à leur injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: écoute et obéis au gouverneur, et ce, même s'il frappe ton dos et prend ton argent. Rapporté par Muslim. Il n'est donc pas permis de sortir contre les gouverneurs musulmans, et ce, même s'ils sont injustes. Et ceci est une base des gens de la Sunna tirée des textes authentiques. Contrairement aux groupes égarés tels que les Khawarij, les frères musulmans et autres qui ont contredit ce fondement et ont causé d'énormes troubles dans la communauté à cause de cela, wallahu al-musta'an. Ensuite, l'auteur a dit rahimahullah: wal imsaku an takfiri ahli al-qibla wal bara'ati minhum fi ma ahdathu ma lam yabtadi'u dalala faman ibtada'a minhum dalala كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب. Il a dit رحمه الله: et le fait de ne pas déclarer mécréant les gens de la Qibla et de ne pas se désavouer d'eux, et ce, tant qu'ils n'innovent pas un égarement. Quant à celui d'entre eux qui innove un égarement, alors il sera en dehors des gens de la Qibla et il sera un hérétique dans la religion. Celui-ci, on se rapproche d'Allah en se désavouant de lui. Il est boycotté et négligé, et il faut s'écarter de son innovation car elle est plus contagieuse encore que la gale. Parmi les fondements des gens de la Sunna, donc, le fait de ne pas déclarer mécréants les gens de la Qibla, c'est-à-dire ceux qui prient vers la Qibla. Il n'est donc pas permis de déclarer mécréants les musulmans, et ce, même s'ils commettent des erreurs ou qu'ils commettent des grands péchés moindres que la mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout homme qui dit à son frère, ô mécréant, alors cette parole atteint l'un d'entre eux. Soit il est comme il a dit, ou soit elle reviendra vers lui. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le shir Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, a dit à propos de ce hadith, il a dit, il n'est pas permis pour le musulman de déclarer mécréant son frère, ni de dire, ô ennemi d'Allah ou ô pervers, sauf avec preuve. Donc s'il accuse son frère de mécréance et qu'il n'est pas ainsi, alors sa parole se retournera contre lui. Et ceci ne veut pas dire qu'il a commis de la grande mécréance, mais ceci est une mise en garde contre cette mauvaise parole. Celui qui la prononce est donc en grand danger s'il dit cela à son frère. Il convient donc de préserver sa langue et de ne parler qu'avec clairvoyance. Il n'est donc pas permis de déclarer mécréants les gens de la Qibla à cause des grands péchés, comme ceci est la voie des Khawarij qui rendent mécréants à cause des grands péchés. Wallahul musta'an. Quant à celui qui commet une innovation, alors il convient de se désavouer de son innovation, car toute innovation dans la religion est un égarement, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il convient également de s'écarter de lui, et ce, afin d'être préservé de son mal et de son innovation. Et certes, le fait de se désavouer des innovateurs et de leurs innovations fait partie des œuvres pieuses par lesquelles on se rapproche d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et des actes qui aident à préserver la religion. Et certes, les paroles des pieux prédécesseurs sont très nombreuses à ce sujet. Abu Qilaba, rahimahullah, a dit: ne fréquentez pas les gens des passions et ne débattez pas avec eux, car vous n'êtes pas à l'abri qu'ils vous fassent plonger dans leur égarement. Et Ibrahim An-Nakhai, rahimahullah, a dit: ne fréquentez pas les gens des passions et ne leur parlez pas, car j'ai peur que vos cœurs ne se rétractent. Et Muslim Ibn Yasar, rahimahullah, a dit: ne laisse pas un innovateur s'approcher de ton ouïe, car il va y faire parvenir ce que tu n'arriveras pas à faire sortir de ton cœur. Et l'imam Ahmed Ibn Hanbal, rahimahullah, a dit: il ne convient à personne de s'asseoir avec les gens de l'innovation, ni de les fréquenter, et ni d'avoir de la complaisance envers eux. Et il a également dit, rahimahullah, ne consulte pas un innovateur dans ta religion et ne le prends pas comme compagnon lors de ton voyage. Parmi les fondements des gens de la Sunna, donc, le fait de se désavouer des innovations et des gens de l'innovation. Ensuite, l'auteur a dit, rahimahullah, ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجعاه في قبري ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه فهم أئمة الدين وأعلم المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. Il a dit, rahimahullah, et nous reconnaissons le mérite du khalifa, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. C'est le meilleur des hommes de cette communauté après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après lui, il y a al-Faruq, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et ces deux-là sont les auxiliaires du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses voisins dans sa tombe. Ensuite, il y a Dhun-Nurayn, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Puis après lui, le méritant et vertueux Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum ajma'in. Ensuite, après eux, il y a le reste des 10 autres à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Nous aimons donc sincèrement chaque homme parmi eux en fonction du mérite que leur a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après eux, l'ensemble des compagnons après lui, radiyallahu anhum ajma'in. Nous mentionnons leur mérite et leurs bonnes actions et nous nous abstenons de parler de ce qui s'est passé entre eux. Ce sont les meilleures personnes de cette terre après leur prophète. Allah, Azza wa Jal, les a agréés pour son prophète et il les a créés pour secourir sa religion. Ce sont les imams de la religion et les a'lams de la communauté, radiyallahu anhum ajma'in. Dans ce passage, l'auteur, rahimahullah, a mentionné la croyance des gens de la sunna envers les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de la sunna reconnaissent donc le mérite des compagnons, radiyallahu anhum, et le fait qu'ils sont les meilleurs de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: «Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, wal-ladhina attaba'uhum bi-ihsan, radiyallahu anhum wa radhu anhu, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, khalidina fiha abada, dhalika al-fawzu al-azim.» Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les ansars, et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: «N'insultez pas mes compagnons, car si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de Uhud en or, cela n'atteindrait pas la poignée, ni même la demi-poignée de l'un d'entre eux.» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: «Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui sont venus après eux, puis ceux qui sont venus après eux.» Les compagnons, radiyallahu anhum, sont donc les meilleurs de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il est obligatoire de les aimer et de n'avoir aucune rancœur envers eux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.» Et ceux qui sont venus après eux disent: «Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux.» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: «Le signe de la foi est d'aimer les ansar, et le signe de l'hypocrisie est de détester les ansar.» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est donc obligatoire d'aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également de prendre exemple sur eux et de comprendre les textes selon leur compréhension. Et ce, car ils ont assisté à la descente des textes et les ont compris directement auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: «Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, wa in tawallaw fa'innama hum fi shiqaq, fasayakfikahum Allah, wa huwa as-sami'ul 'alim.» Alors, s'ils croient à cela même en quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Alors Allah te suffira contre eux, il est l'audient, l'omniscient. Les gens de la sunna suivent donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les aiment et reconnaissent leurs mérites. Et en particulier, les quatre califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, radiyallahu anhum. Puis les autres parmi les 10 promis au paradis, et également l'ensemble des compagnons, radiyallahu anhum ajma'in. Les gens de la sunna ne mentionnent donc les compagnons que dans le bien. Ils s'abstiennent de parler de ce qui a pu se passer entre eux. Et ce, car ils ont tous fait des efforts d'interprétation dans cela, ils auront donc soit une ou soit deux récompenses. De plus, beaucoup de choses rapportées à ce sujet ne sont pas authentiques et ont été inventées par les ennemis des compagnons. Et même s'ils ont pu commettre des erreurs, alors elles ne sont rien comparées à leur océan de bonnes actions. Radiallahu anhum ajma'in wa jama'ana bihim fi jannatin na'im. Ensuite, l'auteur a dit, rahimahullah: «Wala natruku hudur al-jum'a وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. Il a dit, rahimahullah, et nous ne délaissons pas le Jumu'a et sa prière derrière les vertueux de cette communauté, ni derrière les malfaisants parmi eux. Et ce, tant qu'ils sont innocents des innovations. Mais s'ils commettent des innovations, alors il n'y a point de prière derrière eux. De la même manière, nous ne délaissons pas la lutte et le pèlerinage avec chaque gouverneur, qu'il soit juste ou injuste. Dans ce passage, l'auteur, rahimahullah, a mentionné certains points en rapport avec l'obéissance au gouverneur. Et comme cela a précédé, il est obligatoire d'obéir au gouverneur musulman dans le bien et de ne pas se rebeller contre eux. Et parmi ce qui rentre dans cela, le fait d'assister à la prière derrière lui, et ce, tant qu'il ne commet pas dans sa prière des actes qui annulent la prière, comme ajouter une unité de prière volontairement par exemple, ou bien qu'il commette des innovations qui font sortir de l'islam, comme l'innovation des rawafid par exemple. Et de la même manière, il est dit pour la lutte légiférée et le pèlerinage. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, il a dit, rahimahullah, wa iqsaru s-salati fil asfar wa at-takhir fihi bayna as-siyam wal iftar fil asfar in sha'a sama wa in sha'a aftar. Il a dit, rahimahullah, et le fait de raccourcir la prière lors des voyages et d'avoir le choix entre le jeûne et la rupture lors des voyages. S'il souhaite, il jeûne, et s'il souhaite, il rompt le jeûne. Dans ce passage, l'auteur rahimahullah a mentionné la permission de raccourcir la prière et de rompre le jeûne ou bien de jeûner lors des voyages, comme cela est rapporté de manière authentique dans de nombreux hadiths. Et certes, ces questions sont des questions liées à la jurisprudence qui sont traitées dans les livres de jurisprudence. Cependant, il est possible que l'auteur rahimahullah les ait mentionnés ici car il y avait à son époque des contradicteurs qui n'acceptaient pas ces jugements. En effet, il arrive que les gens de la Sunna mentionnent certaines questions liées à la jurisprudence dans les livres de croyance, et ce, lorsque ces questions sont reniées par les contradicteurs, comme c'est le cas par exemple avec la question de l'effleurement sur les khuffayn. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, il a dit, rahimahullah, هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوه فيعتدوا فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. Il a dit, rahimahullah, les premiers, les prédécesseurs parmi les imams de la guidée sont unanimes sur ses paroles et ses actes. Et par la réussite qu'Allah leur a accordée, les suiveurs s'y sont accrochés en prenant exemple sur eux et en étant satisfaits. Ils se sont écartés des contraintes dans ce qu'ils ont délaissé. Ils ont donc été sur la rectitude avec l'aide d'Allah et la réussite leur a été accordée. Ils n'ont pas délaissé le suivi et n'ont donc pas été négligents et ils n'ont pas exagéré de sorte à dépasser les limites. Nous avons donc la certitude envers Allah et nous plaçons notre confiance en lui. Et c'est de lui dont nous cherchons à nous rapprocher en suivant leurs traces. Dans ce passage, l'auteur, rahimahullah, a mentionné que les pieux prédécesseurs sont unanimes sur ce qui a été mentionné dans ce livre. La croyance des gens de la Sunna est donc tirée du livre et de la Sunna, ainsi que du consensus des pieux prédécesseurs, et ce, depuis l'époque des compagnons, radiyallahu anhum, et de ceux qui les ont suivis avec bienfaisance jusqu'à nos jours. Et certes, celui qui lit les livres des salafs sur la croyance, tels que celui que nous expliquons actuellement, ou tels que les autres livres des salafs sur la croyance, comme As-Sunna de l'imam Ahmed, As-Sunna lil-Khalal, As-Sunna l'Ibn Abi Asim, Muqaddima ibn Abi Zayd et bien d'autres encore, et également qui lit les livres des savants des générations intermédiaires, comme les livres de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim, rahimahum Allah, mais aussi les livres des savants contemporains, comme le Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, le Sheikh ibn Uthaymin, le Sheikh al-Albani et autres, rahimahum Allahu ajma'in. Celui qui lit ces livres s'apercevra avec certitude que les gens de la Sunna sont unanimes sur ces questions à chaque époque sans rien changer, et que la croyance des gens de la Sunna est basée sur les textes du livre et de la Sunna selon la compréhension des nobles compagnons, radiyallahu anhum. L'auteur, rahimahullah, a également indiqué dans ce passage que les gens de la Sunna suivent la voie du juste milieu. Ils ne sont ni négligents et ni exagérateurs, mais ils se conforment au texte du livre de la Sunna dans chaque chose. Ensuite, il a dit, rahimahullah, فَهَذَا شَرْحُ السُّنَّةِ تَحَرَّيْتُ كَشْفَهَا وَأَوْضَحْتُهَا فَمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلْقِيَامِ بِمَا أَبَنْتُهُ مَعَ مَعُونَتِهِ لَهُ بِالْقِيَامِ عَلَى أَدَاءِ فَرَائِدِي بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الصلوات صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم كل هذا كبائر محرمات والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء ووفقنا الله وإياك على سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين والحمد لله رب العالمين. Il a dit, rahimahullah, ceci est une explication de la sunna que j'ai essayé d'éclaircir de la meilleure manière. Celui donc à qui Allah accorde la réussite pour œuvrer selon ce que j'ai mentionné, et qui en plus est aidé dans le fait d'accomplir ses obligations, en prenant garde aux impuretés, en accomplissant correctement la purification pour les adorations, en accomplissant la prière, en s'acquittant de la zakat pour les personnes aisées, en accomplissant le pèlerinage pour les personnes en ayant la capacité, en jeûnant le mois pour les personnes en bonne santé. Également, 5 prières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis parmi les sunan après les prières obligatoires. Et elles sont la prière du witr lors de chaque nuit, les 2 unités de la sunna du fajr, la prière du id, al-fitr et al-nahr, la prière de l'éclipse et la prière de la demande de pluie. Également, le fait de s'écarter des interdits, de prendre garde au cafardage, au mensonge, à la médisance, à l'injustice et au fait de parler sur Allah sans science, car tout ceci sont des grands péchés. Également, faire attention à l'argent qu'il gagne, à ce qu'il mange, à ce qu'il boit et les vêtements qu'il porte. Également, s'écarter des désirs, et ce, car ils appellent à accomplir des interdits. Et certes, celui qui fait paître autour d'un domaine finira par faire paître dans celui-ci. Celui donc pour qui cela est facilité, il sera certes sur la guidée dans la religion et pourra espérer la miséricorde. Qu'Allah nous accorde la réussite dans ce droit chemin de par sa grâce immense et que le salut d'Allah soit sur vous ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Et certes, le salut d'Allah ne peut pas être atteint par les égarés et toutes les louanges reviennent à Allah, Seigneur de l'univers. Donc après avoir mentionné dans ce livre des fondements de la croyance des gens de la Sunna, l'auteur, rahimahullah, a terminé cette épître en mentionnant certains conseils et certaines exhortations. Il a appelé, rahimahullah, à l'accomplissement des bonnes œuvres, des œuvres obligatoires, puis des œuvres surrogatoires, et il a appelé au noble comportement. Il a également mis en garde, rahimahullah, contre les interdits et les turpitudes, et ceci prouve l'importance que les gens de la sunna donnent à l'accomplissement des bonnes œuvres, à s'écarter des interdits et à se parer des nobles comportements, en plus d'avoir une croyance authentique. D'ailleurs, les gens de la sunna ont l'habitude de mentionner un chapitre sur le sujet à la fin de leur livre sur la croyance, comme nous pouvons le voir ici, ou également à la fin du livre Al-Wasitiyya par exemple, qui est une référence dans les livres sur la croyance des gens de la sunna. Et certes, celui qui corrige sa croyance et sa foi, alors ses œuvres suivront également. Car lorsque le cœur est en bonne santé, alors l'ensemble du corps le sera également. Comme cela est rapporté dans le hadith authentique. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ainsi se termine l'explication concise de ce livre bénéfique, Sharh al-Sunnah, de l'imam al-Muzani, rahimahullah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la rende profitable et qu'il nous aide à s'accrocher à la croyance authentique et à accomplir des œuvres pieuses. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad.